Chapitre 11. Les révélations de Marie Lefebvre. Le lendemain matin, un voyageur descendait, en gare d'Épernay, du train venant de Paris. Il avait fait le trajet en seconde classe. Sa mise était convenable, effacée. Un œil exercé pouvait reconnaître en lui les traits caractéristiques d'un policier. Il se dirigea vers le centre de la ville et, ayant consulté la plaque d'une rue et le numéro d'une maison, entra délibérément dans la boutique d'un marchand de légumes. « Madame Lefebvre, » dit-il en soulevant son chapeau de paille. « C'est moi, monsieur !» La marchande, une accorte brunette qui servait des clientes, se tourna vers lui. « Je voudrais vous dire deux mots, madame. Ce sera très court. » Une inquiétude prévue assombrit le visage de la marchande. Il n'est jamais agréable de recevoir la visite d'un inconnu qui vous annonce de but en blanc « J'ai deux mots à vous dire. » « Eugène » appela-t-elle, « viens un peu !» Un homme en tablier bleu, d'au moins 40 ans, sortit de l'arrière-boutique, l'air grognon et fermé. « Il y a monsieur qui veut me parler, servoir à ma place !» Le visiteur salua bourgeoisement. « Au sujet de quoi ?» demanda le marchand. « Madame, reprit le nouveau venu, vous êtes bien, n'est-ce pas, Madame Marie Lefebvre, née Simon ?» Et c'est bien vous qui étiez au service de Madame Guy Laval il y a 5 ans, en qualité de femme de chambre ?»« Oui, monsieur, » murmura-t-elle. « Permettez-moi de vous poser quelques questions. »« Entrez par ici, » dit l'homme. Muets tous deux et semblant mal à l'aise, le mari et la femme firent passer leur hôte dans une petite pièce attenante au magasin et qui ressemblait à une salle à manger. « Qu'est-ce qu'il y a donc de nouveau ?» dit l'ancienne servante d'une voix mal assurée. Absolument rien, madame, soyez sans inquiétude. Nous voudrions seulement posséder quelques précisions sur la mort de madame Laval, et nous avons pensé que vous pourriez, vous et votre mari, nous les fournir. Car, dit-il en s'adressant à l'homme, vous étiez jardinier concierge à Luversy au moment du décès, n'est-il pas vrai? Lefebvre, peu bavard, le confirma d'un mouvement de tête et d'un clignement des yeux. Elle dit, plus explicite, « Nous sommes partis pour nous marier presque aussitôt la mort de madame. Je lui étais très attachée et puis je ne m'entendais pas avec madame la comtesse qui est trop regardante. Lefebvre était veuf. C'est à Luversy qu'on s'est connus. Sitôt mariés, on est venu s'installer ici, qui est son pays. » Et le commerce va comme vous voyez. « Mélie, Mélie !» s'écria-t-elle. « Va servir les clients, on est occupé. » Sur quoi, une fille ébouriffée et s'essuyant les mains à son rude tablier fit irruption dans la boutique parmi les commères qui tâtaient, soupes étaient reniflées, fruits et légumes. L'enquêteur avait écouté fort gracieusement le petit exposé de Marie Lefebvre. « Dites-moi, » reprit-il, « pendant les journées qui ont précédé la nuit mortelle, aucun indice ne vous a rien fait prévoir ? Oh, monsieur, comment voulez-vous ? Un accident pareil ? » En prononçant le mot « prévoir », je voulais parler de tous ces menus faits qui, d'abord, passent inaperçus et qui, après l'événement, vous reviennent à l'esprit. Comprenez-vous ? Ainsi, par exemple, personne n'a-t-il fait remarquer que la cage de la vipère n'offrait pas toutes les garanties de solidité ? Oh non, dit Lefebvre, et comme c'est moi qui prenais soin de ces sales bêtes, je puis même vous jurer que si quelqu'un a été surpris, c'est bien moi. Surpris de quoi ? De l'évasion de la garce de vipère, pardi. Pourquoi ? Mais parce que sa caisse était en parfait état. Et la fente ? La fente par où elle s'est échappée ? Elle l'a élargie, forcément. Sans cela, donc la veille, durant toute la journée, cette fente... Ah, dites, moi je ne puis vous assurer que d'une chose, c'est que le 19 au matin, la veille de l'accident, la fente n'existait pas. Ce n'était qu'un intervalle d'un petit centimètre entre deux planches. À votre avis, n'est-il pas possible qu'on ait pratiqué cet élargissement de l'extérieur ? Ou de l'intérieur, la vipère n'étant plus dans la caisse ? Évidemment. Mais qui et dans quel but ? pour faire croire que la bête s'était sauvée toute seule. Je vous suis dans votre raisonnement, mais je vous avoue que ça ne m'était jamais venu à l'idée. « Écoute, Eugène, » interrompit sa femme, qui semblait agitée d'une certaine émotion. « Faut pas dire ça. Tu sais bien que nous sommes les seuls à nous être confiés qu'il y avait du louche. Moi, je ne veux pas d'histoire. Dès l'instant qu'on revient là-dessus, mon homme, faut être franc. » Lefèvre lui jeta un coup d'œil et resta songeur. Elle insista. « Nous n'avons rien à craindre, n'est-ce pas? Nous, on n'a pas fait de mal. Alors ?» « Du reste, reprit-il, on ne sait pas grand-chose. »« Qu'est-ce que vous savez ?» posa le visiteur avec un grand calme. Ce fut elle qui répondit. « On sait que la vipère a été tuée et qu'elle a été enterrée dans un petit bois du parc la nuit même de la mort de Madame Laval. » Le visiteur pinça les lèvres, son regard eut un éclat fugitif. La femme Lefèvre poursuivit. Lefèvre et moi, on était déjà promis, mais personne ne s'en doutait. On avait rendez-vous tous les deux dans le parc la nuit. Après la ronde, qu'il faisait vers 10h30, je le rejoignais dans le bois et nous restions ensemble à causer tout bas jusque vers minuit. Et si Madame Laval vous avait sonné? J'aurais bien entendu dans le silence de la nuit et je serais rentré au château qui n'est pas loin. D'ailleurs, madame ne me sonnait, la nuit, que depuis qu'elle était malade et jamais avant 1h du matin. Par exemple, c'était régulier. Toutes les nuits, vers 1h, la sonnette marchait pour la tisane. Reprenons, voulez-vous ? Et alors, je vous disais donc que nous étions dans le bois, bien cachés, Eugène et moi, lorsque nous avons entendu le pas d'un homme qui s'avançait avec toutes sortes de précautions. Nous nous taisions, on ne pouvait pas nous voir. L'homme s'est arrêté pas très loin de nous et nous avons très bien distingué le bruit de la terre bêchée. Il creusait un trou. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne savons pas qui c'est. J'avais tellement peur que nous sommes restés là, sans bouger, un bon moment après son départ. Enfin, je suis rentrée au château toute tremblante. J'ai regagné ma chambre par l'escalier de service et je n'ai pas fermé l'œil de tout le restant de la nuit. C'est vous dire que, si madame avait sonné, j'aurais été à ses ordres en un rien de temps. Quelle heure était-il quand l'homme creusait son trou? Tout près de minuit, dit Lefèvre. Donc, puisque la vipère était morte à minuit, madame Laval avait cessé de vivre avant cette heure-là. Enregistrons. Dites-moi maintenant, quand avez-vous su ce que l'homme était venu faire dans le petit bois? Eh bien, n'est-ce pas, ma première pensée, dès le matin, a été pour ce petit bois. Mais la nouvelle de la mort de Madame Laval mettait déjà tout le monde sans dessus dessous. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai pu me glisser sous les branches. J'ai retrouvé l'endroit où le sol avait été retourné, au pied d'un arbre. Alors j'ai creusé à mon tour et j'ai déterré la vipère noire et blanche. On lui avait écrasé la tête. Je l'ai enterré définitivement. Mais pourquoi n'avoir rien dit? Vous avez laissé le château dans la terreur. Marie Lefèvre s'indigna. Parlez, il aurait fallu avouer nos rendez-vous. Du temps de Madame Laval, passe encore. Elle était si bonne. Mais Madame la Comtesse m'aurait mise à la porte. Je ne vous approuve pas, fit le visiteur. « On voit bien qu'il ne s'agit pas de vous, » s'écria-t-elle. Enfin, une question encore. Avez-vous des soupçons sur l'identité du fossoyeur de la vipère ?»« Aucun, monsieur. Bien souvent, dit Lefèvre, nous en avons reparlé. Nous ne voyons pas. Nous ne comprenons même pas. D'abord, j'ai été convaincu que la vipère avait été tuée par quelqu'un du château, quelqu'un qui se serait trouvé par hasard sur son chemin, alors qu'elle sortait de la chambre de Madame Laval. Mais quand j'ai vu que personne n'en parlait et que tout le monde cherchait la vipère, ça m'a donné des doutes. N'avez-vous pas eu l'idée qu'un crime avait été commis? Non, monsieur, l'idée d'un crime, jamais. Mais plutôt, comme qui dirait, d'une manigance que nous ne comprenions pas et qui se serait terminée par un accident, la mort de notre maîtresse. Enfin, vous n'avez jamais supposé qu'un criminel, habile à dompter les serpents et pût se servir de la vipère noire et blanche pour assassiner Madame Laval. Les deux époux Lefèvre s'exclamèrent en même temps. « Ça, non ! Oh non, monsieur ! Est-ce que ce serait possible ?» dit la femme. « Si on avait supposé une pareille chose, assura Lefèvre, bien sûr qu'on aurait révélé tout ce qu'on savait. » Cependant, monsieur Lefèvre, tout de même, ce silence gardé par l'homme du petit bois. Oh, son silence! Admettez un instant que l'homme du petit bois ait été quelqu'un du château. Est-ce que nous n'étions pas du château, nous aussi, Marie et moi? Est-ce que nous n'étions pas parfaitement innocents? Et pourtant, est-ce que nous avons parlé? Est-ce que nous pouvions parler? En parlant, on se serait fait trop de tort. C'est bien ce que je voulais vous faire dire. L'homme du petit bois s'est tu, selon vous, pour ne pas révéler quelles circonstances l'avaient amené, en pleine nuit, à rencontrer quelque part, dans le parc, la vipère noire et blanche, cette vipère qui sortait de la chambre close de Madame Laval, ce qui prouve qu'elle avait repassé par le cœur du volet, puisque les portes de cette chambre ne furent ouvertes qu'au matin. Qui soupçonnez-vous ? Lefèvre dit nettement : personne du château. Pourquoi ? Parce que, en premier lieu, cela sautait aux yeux, comme on dit. Pensez donc, à part les domestiques, vraiment dévoués, et que je tiens tous pour des gens tranquilles, les deux seuls hommes du château, c'était M. Guy Laval et M. Lionel de Prase, le mari et le neveu de Mme Laval. Je ne trouve pas que ce soit une raison de les éliminer, dit le visiteur. M. Laval pouvait s'être levé au milieu de la nuit pour vaquer à quelque occupation mystérieuse. M. de Prase également. Le premier, peut-être, n'était pas poussé par le souci de la santé de sa femme. Le second, au contraire, chérubin de 18 ans, était-il anxieux d'écouter, à travers les volets, la respiration de sa belle tante ? Cela est douteux, je vous l'accorde. D'autant que Madame de Prase et Mademoiselle Gilberte Laval n'ont entendu, de toute la nuit, aucun bruit suspect. Mais un point est à préciser avant tout. L'individu du petit bois était-il bien un homme ? J'en ferai serment, dit Lefèvre, sous la réserve, cependant, que nos oreilles seules nous l'ont certifié. On ne l'a pas vu. D'ailleurs, reprit le policier, deux femmes seulement sont en jeu, Madame de Prase et Mademoiselle Gilberte. Oh ! S'écria Marie Lefèvre, celle-là, monsieur, il n'y faut pas songer. J'y songerai cependant, par principe, si je n'avais l'assurance qu'elles sont restées toute la nuit enfermées dans le cabinet de toilette, attenant à la chambre de Madame Laval. De cela, je possède un témoignage irrécusable. Mais vous paraissiez tout à l'heure avoir une deuxième raison de croire que l'homme du petit bois n'était pas quelqu'un du château. Quelle est cette raison ? Lefèvre regarda sa femme, qui rougit en baissant la tête. « Parlez, madame, je vous en prie. »« Eh bien, j'étais la confidente de madame, et madame avait un protégé, un jeune homme à qui elle s'intéressait en cachette et qui lui écrivait à mon nom, à mon adresse. C'était une bonne œuvre, monsieur, je vous le jure. Rien d'autre, madame me l'avait dit sur tous les tons. Sans ça, je ne me serais pas prêtée à son caprice. » Il s'agissait d'un tout jeune garçon qui tournait mal et que madame voulait remettre dans le droit chemin. « Qui était-ce ? Comment s'appelait-il ? » demanda précipitamment le visiteur. « Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. J'ai transmis les lettres que je recevais, c'est tout. » « Et ces lettres, que sont-elles devenues ? » « Madame les brûlait. Depuis qu'elle était souffrante, c'est moi qui les brûlais devant elle. » Mais comme madame ne pouvait plus écrire que difficilement, j'ai eu l'idée que ce jeune homme était venu à Luvercy avec l'intention de la voir cette nuit-là. Il devait être depuis plusieurs jours au village. Ses derniers billets portaient le timbre postal de Luvercy. Le visiteur fronçait violemment les sourcils. Tout cela, dit-il au bout d'un instant, tout cela ne jette aucune clarté sur la fuite de la vipère noire et blanche. Si quelqu'un s'est servi d'elle comme d'une arme vivante, après avoir agrandi le trou de la caisse pour faire croire à une évasion, qui est ce quelqu'un ? Après avoir hésité, Marie Lefèvre se risqua. Madame parlait de ce jeune homme comme d'un véritable dévoyé. Il m'est arrivé souvent de la mettre en garde contre lui. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle parlait de mission sacrée, de sauvetage, de rédemption. Elle était intraitable. Très jolie, n'est-ce pas, Madame Laval ? Et fantasque, capricieuse. Madame était une enfant gâtée, monsieur, une emballée, et une nature si câline. Elle n'était pas faite pour un mari comme monsieur, tout le temps parti. Alors, elle s'occupait. Dangereusement. Oh oui ! Mais, vous savez, honnête comme pas une, ça, j'en réponds, foncièrement honnête. Lefèvre hochait la tête avec une malice entendue. Mais le visiteur réfléchissait si profondément qu'il semblait avoir oublié la présence des deux époux. Marie Lefèvre lui toucha le bras. « Une chose que je voulais vous dire, fit-elle, c'est que, quand je sortais dans le parc pour rejoindre Lefèvre, j'avais soin de refermer la porte à double tour derrière moi et d'emporter la clé. » Cela n'a aucune espèce d'importance. Il y avait d'autres clés et d'autres portes. Ce qui a de l'importance, ce sont ces lettres. Où sont-elles ? Quelles lettres ? Demanda Lefèvre. Celles que Madame Laval écrivait à l'inconnu. Qu'en a-t-il fait ? Et se prenant les tempes, il s'accouda sur la table et s'enfonçant dans un abîme de conjectures. Cette attitude peu policière frappa Lefèvre qui lui dit « Pardon, j'ai oublié de vous demander votre carte de la préfecture. »« Je n'en ai pas, lui fut-il répondu. Je travaille pour mon compte, en amateur. Cette affaire m'intéresse particulièrement. » Lefèvre sursauta. « Ah mais, ce n'est pas régulier cette histoire-là. Qui êtes-vous ? Je veux le savoir, moi. » Le visiteur ne s'était pas dérangé. Il continuait à se serrer les tempes avec une force douloureuse. « Votre nom, vos papiers !» exigeait Lefèvre. Alors l'interpellé, émergeant de son pénible labeur, prit dans la poche intérieure de son veston un portefeuille épais. « Des papiers ? Tenez, en voilà !» Deux billets de 500 francs déployèrent leur vignette au bout de ses doigts. L'homme et la femme s'accordèrent d'un battement de cils. « Qu'est-ce qu'on vous offre ? Proposa Lefèvre. Un vin blanc ? Rien, merci. » Ses yeux erraient, pleins de pensées ardues. Ils se fixèrent tout à coup sur un point de la muraille où pendait, accroché, une vieille clé d'aspect pittoresque. Il se leva de sa chaise pour mieux regarder l'objet de sa curiosité. « C'est précisément la clé de la cave, » dit Lefèvre. « Elle n'est pas d'hier, » admira le détective. XVIe siècle, époque Louis XIII. Monsieur est connaisseur, s'enquit Marie. Lefèvre, avec empressement et en abaissant les yeux vers les billets de banque qu'elle tenait maintenant. Si monsieur la désirait, cette clé, nous, on n'y tient pas plus que ça. On en fera faire une neuve. Je vous l'achèterai peut-être un jour, murmura le visiteur. Mais soit qu'il ne pût s'arracher à sa méditation, soit qu'une toute autre cause l'affecta, il prononça ces mots d'un ton si étrange et si mystérieux que les Lefèvre n'osèrent pas insister. Il s'en aperçut. « C'est, dit-il, une énigme singulièrement obscure que ce drame de Luvercy, et j'ai le pressentiment que je ferais bien de renoncer à l'éclaircir. »« Vous exercez un métier rudement périlleux, dit la femme. » « Seigneur, c'est moi qui n'aimerais pas ça !»« Périlleux, oui, madame, et parfois les ténèbres qui vous entourent sont si redoutables qu'on lâcherait pied. »« Vous avez peur, dit Lefèvre, moitié figue et moitié raisin. La vipère est pourtant bien morte. » »« Oui, reconnut le visiteur, mais le meurtrier qui l'a utilisé est-il encore vivant, lui ?»« Je le présume, et je me demande avec épouvante quel est son nom. » Il répéta plusieurs fois, machinalement, « avec épouvante ». Puis, s'éveillant de sa stupeur, il remercia les Lefèvre et sortit à pas lents. « Alors, la clé, vous n'en voulez pas ? Faut-il au moins vous la garder pour plus tard ?» Il se retourna sur ces paroles de Marie Lefèvre, hésita, prit son parti. Non, c'est inutile, j'abandonne. C'est-à-dire, je ne suis pas acheteur de la clé, madame. Et il s'en alla. Le premier train l'emporta vers Paris. Mais il descendit à Meaux, où l'attendait, assez loin de la gare, une automobile Rolls-Royce carrossée en cabriolet.